Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va évidemment parler d'abord qu'il y avait beaucoup de compétitions en fin de semaine qui se déroulaient un peu partout. Mais on va commencer le bulletin de sport parce que ça en vaut la peine, hein, la performance tout à fait exceptionnelle de Tim Tremblay de Saint-Jean-d'Arc qui a remporté le Grand Prix de motoneige de Valcourt. On sait que c'est l'épreuve reine du snowcross. Tremblay qui a négocié sa victoire avec un temps de 30 secondes et 929 centièmes. Donc, il avait également remporté des épreuves samedi. Donc, on va essayer de lui parler sur les ondes de Dan Radio Sport cette semaine. Maintenant, au curling, l'équipe de Christopher Gagnon a remporté les grands honneurs du tournoi qui se déroulait en Grand-Mère. L'équipe de Christopher Gagnon qui a battu l'équipe de Trois-Rivières 10-2. En demi-finale, ils avaient défait la formation de Victoriaville 5-4. Patinage de vitesse sur courte piste, Cassandra Bradette de Saint-Félicien a pris le 12e rang au 1000 mètres lors de la dernière Coupe du monde qui se déroulait à Minsk en Russie. Bradette qui a négocié le parcours avec un temps de 1 minute 33 secondes et 802 centièmes. Et l'équipe canadienne a pris le 4e rang au 3000 mètres avec un temps de 4 minutes 17 secondes et 929 centièmes. Donc certainement une compétition que l'équipe canadienne devra oublier. Maintenant, puisqu'il y a question de patinage de vitesse, il y avait une compétition qui se déroulait à Sainte-Foy en cours de la fin de semaine. Et il y avait également plusieurs athlètes du secteur qui étaient en action. D'abord, groupe 3 masculin, Nicolas Tremblay de Saint-Félicien a pris la première place. Simon Simard, le 10e rang. Et Jean-Christophe Tremblay, le 13e rang. Maintenant, on va vous parler du côté du groupe 5 masculin. David Bouchard de Dolbeau-Missassigny a enlevé la deuxième place. Et Guillaume Turcotte de Dolbeau-Missassigny a également pris le 10e rang. Groupe 2 féminin. À noter que Juliette Fortin de Dolbeau-Missassigny a pris le 2e rang. Et Adriana Sasseville de Saint-Félicien, le 5e rang. Kiara Pagé, 12e place. Et Joël Benoît, 13e position. Donc, on devrait en parler cette semaine avec possiblement avec notre collaborateur David Simard. Les Saguenay de Chicoutimi ont remporté une 7e victoire consécutive en défaisant l'Océanique de Rimouski par le compte de 4-3. Et Joey Ratel a marqué 2 buts et amassé une passe. Il y a German Rutsoff qui a marqué 1 but, 2 passes. Nicolas Roy a aussi marqué 1 but et amassé 2 passes. Vendredi, les Saguenay avaient gagné 6-1 contre les Foreurs de Val-d'Or au centre Georges Vézina. Et dans le match, Olivier Galipeau a amassé 2 buts. Joey Ratel, un but, une passe. Frédéric Allard et Zachary Lavigne ont aussi marqué. Deux passes chacun pour Kelly Climat, Nicolas Roy et Louis-Philippe Simard. Et les Huskies de Rouyn-Noranda ont perdu 4-3 contre Blainville-Boisbriand au cours de la fin de semaine. Ligue junior régionale, les Sabres de Roberval se sont inclinés 6-3 contre les Aiglons d'Alma. Et les Épervilles de Normandin se sont inclinés 4-3 contre les Saguenay de Chicoutimi. Au tournoi Bantam de Saint-Bruno, les Rapides de Dobbosessi se sont inclinés en grande finale 3-1 contre les Saguenay de Chicoutimi. Jacob Boulian a été élu le joueur par excellence du match pour les Rapides. Et en demi-finale, les Rapides ont défait les Vikings de Saint-Bruno 7-2. Ils avaient également gagné 6-2 contre la Nationale de la Baie. Et ils ont également gagné 2-1 contre les Marquis de Jonquière. Mastouillard se sont fait éliminer 3-2 contre les Vikings de Baie-Comeau. Et ils avaient également livré un verdict nul de 1-1 contre les Saguenayens de Chicoutimi. Et Alex Bussière de Dolbeau-Missassigny était à Boston au cours du week-end. Donc, Alex Bussière qui a terminé au 5e rang lors de cette compétition avec un chrono de 2 minutes 25 secondes et 10 centièmes. Le sport local et régional, à donandosport.com. On s'en occupe.